les Champs-Élysées. Elle est venue. Une douce soirée d'été. Elle est venue. Comment ? Sur les Champs-Élysées. Elle est venue. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, Madame la Maréchale, Messieurs les Compagnons de la Libération, elle est venue. Je m'en souviens. Oui, je me souviens. Comment oublier ? Comment oublier enfin ? La patrie. Est en nous comme une eau dormante. Les Champs-Élysées, jusqu'à Notre-Dame, dans la joie et dans l'espérance. Elle est venue. Comment oublier ? Comment ? Par cette ligne blanche, elle est venue. La liberté, elle est venue. Dans la joie et dans l'espérance.